fait, c'est plus une remarque par rapport à un point. J'ai beaucoup entendu l'expression « les étudiants votent avec les pieds et ne vont pas à l'université ». Bon, je suis encore une petite étudiante en master 1. Ça fait encore pas trop longtemps que j'ai quitté le lycée. Mon expérience, c'est pas comme ça que ça se passe et que c'est vécu par les lycéens qui choisissent une voie dans le supérieur. C'est il y a beaucoup d'effets de mécanique, de calendrier, tout bêtement, parce que pour les demandes d'inscription en classe prépa, ça se fait très très tôt au cours de l'année scolaire. Et donc, évidemment, les enseignants en lycée, ils vont inciter leurs élèves parce qu'il y a des processus de sélection et qu'à la fac, il n'y en a pas. Mais c'est du coup, forcément... Quand il y a plusieurs voies qui s'ouvrent, mécaniquement, on a tendance à celle pour laquelle on a la réponse le plus vite possible, parce que ça permet de s'organiser. C'est pas du tout parce que l'université, c'est pas bien. C'est vraiment, il y a énormément une question de pure mécanique. Aujourd'hui, le système est homogène. Les choix sont faits par les lycéens en terminale des mois de février pour l'ensemble des cursus, y compris d'université. C'est assez récent et c'est seulement oui, à Paris. Oui, c'est récent, mais ça c'est, ne change. On ne peut pas citer ce système pour parler de ce qui s'est passé dans les années précédentes et en particulier en province.